Chapitre 2. On danse cette rumba, Marianne. Si tu veux, Claude. Et la jeune fille suivit son cousin, s'abandonnant au rythme, légère et souple. Mais à peine avait-il fait quelques pas que le regard de Marianne devint fixe. Un masque durcit le visage mobile, ses jambes n'obéirent plus et Claude eut un rire. Alors, Marianne, tu cafouilles ? « Excuse-moi, Claude, il vaut mieux que j'arrête. »« Ta patte ?»« Oui, c'est cela, ma patte. J'ai abusé ce soir. Trouve une autre cavalière. »« Je te reconduis. »« Non, ne te prive pas de cette danse. Je t'attends à notre table. »« Comme tu veux. » Docile, Claude laissa Marianne regagner sa place, où la jeune fille se laissa tomber lourdement, attachant ses yeux sur un point opposé de la salle d'où elle-même ne pouvait être vue. Brigitte, c'est Brigitte qu'elle venait de découvrir, Brigitte qu'elle n'avait pas revue depuis 5 ans, depuis le drame qui avait brisé sa vie. Elle était là, à quelques pas. Elle aurait pu crier son nom, que l'ennemi se serait dressé pour fuir ou pour demander pardon. Mais ce n'est pas en paroles cinglantes et inutiles que Marianne voulait se venger. Elle souhaitait mieux que cela quelque chose qui fît souffrir l'ami infidèle comme elle avait souffert 5 ans auparavant. Incapable de rester dans la salle bruyante du casino où une fête de nuit réunissait une nombreuse assemblée, Marianne griffonna un mot qu'elle laissa sur la table à l'adresse de son cousin. « Je suis fatiguée, je rentre. Ne t'inquiète pas. À demain matin. Marianne. » Étendue sur son lit, sans même avoir pris la peine de se dévêtir, dans la chambre obscure où pénétrait un rayon de lune clair et froid, la jeune fille revivait le passé. Tout était tellement présent à son esprit. Elle se rappelait l'avant-veille de son mariage, ce matin lumineux où, toujours impulsive, elle avait pris une décision subite, aller au-devant de son fiancé, prendre le train jusqu'à Valence et faire à Gérard la surprise de le retrouver, allégeant pour lui, par sa présence, les dernières heures du long voyage. D'avance, elle savourait la joie de cette rencontre, l'exclamation heureuse du fiancé. « Quelle bonne idée, Marianne !» Marianne n'était nullement inquiète, au départ de Valence, de n'avoir pas trouvé Gérard dans la voiture de première classe qu'elle avait parcourue de bout en bout. Elle était certaine que son fiancé avait pris ce train. Si ses projets avaient dû être changés au dernier moment, il en aurait averti par un moyen quelconque. La jeune fille s'étonnait seulement de ne pas voir la haute silhouette dans le couloir. Cela ressemblait peu à Gérard de s'être enfermé déjà. La main impatiente de Marianne ouvrait les portes fermées, ses yeux inspectaient rapidement les compartiments restés ouverts sur le couloir. La dernière porte, Marianne souriait, Gérard était là. Gérard était là, certes, mais amoureusement penché sur une inconnue qu'il masquait entièrement. Le cri de Marianne avait fait se dresser les coupables. Brigitte, son amie, dans les bras de Gérard. Une seconde, Marianne avait cru tomber, mais elle avait dompté sa faiblesse. Elle avait pu fuir et c'est vers l'oubli total qu'elle s'était jetée, la portière ouverte, la chute dans le vide, le corps cassé, boulé au bas du remblai. Marianne n'était pas morte. Le train n'avait pas encore repris toute sa vitesse après l'arrêt à Valence. Il y avait quelques travaux en cours sur la voie. C'est à cela que la jeune fille, elle l'avait appris par la suite, avait dû ne pas être tuée sur le coup. Grièvement blessée cependant, ses parents avaient longtemps craint pour sa vie car Marianne n'avait pas envie de guérir. Dans la clinique de Valence où on l'avait transportée, la souffrance morale était revenue avec la conscience des choses et tout de suite, la jeune fille avait interdit sa porte à Gérard et Brigitte qui s'étaient occupés d'elle en attendant l'arrivée de ses parents. Les jeunes gens avaient fait admettre la version de l'accident, mais à sa mère, Marianne avait tout dit brièvement. « Je les ai surpris s'embrassant. J'ai eu si mal que j'ai voulu me tuer. Pardonne-moi. Toi seul sauras la vérité, mais je ne veux plus entendre prononcer leur nom devant moi. » À force de soins, à force de tendresse, la jeune fille s'était rétablie. On avait craint pour sa jambe droite, mais une opération chirurgicale délicate avait évité toute claudication. Du terrible accident, Marianne ne gardait qu'une faiblesse passagère dans une patte, comme disait Claude, et encore, la jeune fille ne s'en apercevait-elle que lorsqu'elle se fatiguait par trop. Gérard avait écrit, Brigitte aussi. Leurs lettres avaient été retournées sans être ouvertes, et l'oubli s'était fait peu à peu. Autour de Marianne, mais pas en elle. Le cœur, lui, restait blessé à jamais. La jeune fille, en une seconde, avait tout perdu. L'amour, l'amitié et la confiance en la vie. Tout était sali, souillé. Sa mère avait eu beau lui dire qu'il s'agissait d'une rencontre fortuite, d'une effroyable coïncidence, Marianne opposait d'irréfutables arguments. Un homme épris ne trompe pas sa fiancée la veille de son mariage dans le train qui l'emmène vers le bonheur. Si Gérard a pu être capable d'une telle chose, même en admettant que je puisse pardonner, je le soupçonnerai de toutes les vilenies par la suite. Ma vie en serait empoisonnée. Quant à Brigitte, je savais, certes, qu'elle aimait la compagnie des hommes, mais de là tomber dans les bras d'un inconnu, elle n'a pas pensé une minute que cet homme pouvait être marié, qu'elle risquait de briser un foyer. Et c'est une telle fille que j'ai pu, pendant si longtemps, appeler mon amie. Marianne avait mis 6 mois à guérir complètement. Et puis, ses parents l'avaient fait voyager, et pour que sa fille retrouve son équilibre moral, Madame Varachan s'était imposé la fatigue de longs périples. Lépignan, pourtant, attirait Marianne par-dessus tout, et c'est là seulement qu'elle parut redevenir elle-même. « Il faut la marier, » dit l'industriel, lorsqu'il pensa que l'oubli était enfin venu. Et des fêtes, des dîners furent organisés avec l'espoir que Marianne laisserait à nouveau parler de son cœur. Espoir vint. À plusieurs demandes qui lui furent faites, elle opposa une fin de non-recevoir et c'est avec un sourire triste qu'elle dit à ses parents « Voulez-vous donc à tout prix vous débarrasser de moi ?»« Mais non, Marianne, seulement tu es en âge de fonder une famille, de faire ta vie. » Une première désillusion ne doit pas briser ton existence à jamais. Tous les hommes sont menteurs. À aucun, désormais, je ne pourrai faire confiance. Je ne veux pas me marier. Laissez-moi rester avec vous dans cette vieille maison que j'aime et qui m'aime et qui me verra vieillir tout doucement dans la paix. Une paix toute relative, car si Marianne semblait redevenue active et gaie comme autrefois, elle n'oubliait rien. Elle attendait l'heure de la vengeance qui sonnerait tôt ou tard pour Brigitte, elle en était sûre. Loin d'atténuer son ressentiment, le temps ne faisait que l'amplifier. Sans savoir exactement quelle serait cette vengeance, Marianne désirait qu'elle fût pour son ancienne amie une source de souffrance. Elle avait bien essayé de retrouver la trace de Brigitte. Une enquête discrètement menée à Paris avait appris à Marianne que Brigitte continuait à voyager. On ne lui connaissait pas de domicile fixe. Et voilà que Marianne retrouvait elle-même celle qu'elle haïssait depuis si longtemps. 5 ans. Il avait fallu 5 ans pour que le hasard ou le destin les remît en présence. Et tout à coup, Marianne se leva d'un bond. Que faisait-elle dans cette chambre à songer? Brigitte n'était là, peut-être, que pour un soir. Elle n'allait pas la perdre ainsi, sottement, aussitôt que retrouvée. Il fallait savoir où elle habitait, ne plus la perdre de vue maintenant. Au casino, Claude accueillit sa cousine avec surprise. « Te revoilà, je te croyais fatiguée. »« Je me suis reposée, et puis... » J'avais envie de voir ce gala jusqu'au bout. Seulement, je ne danserai plus. Je m'amuse tout autant à regarder la salle. Donne-moi un peu de champagne, veux-tu ? Tout en parlant, Marianne ne quittait pas des yeux la table de Brigitte. Dieu merci, elle était encore là, seule, semblait-il. La soirée n'était pas encore très avancée. Marianne aurait tout le temps d'établir un plan d'action pour connaître l'adresse de Brigitte. À cet instant, un danseur s'inclinait devant elle et Marianne remarqua l'empressement avec lequel la jeune fille se levait. Le garçon, mince et souple, d'une élégance discrète mais sûre, dansait parfaitement et Brigitte semblait pour lui une partenaire de choix, car son regard heureux disait le plaisir qu'elle prenait à la danse, un tango aux figures savantes. Lorsque Brigitte eut regagné sa place, Marianne nota le long regard dont la jeune fille suivit son danseur, un regard émerveillé, trouble encore de la sensualité du tango. Chaque fois que celui-ci passait devant elle, Brigitte avait un tressaillement léger, imperceptible à tout autre qu'à Marianne. Elle s'intéresse à ce garçon, c'est certain, pensa la jeune fille. Le connaît-elle? Est-il quelque chose pour elle? Eh bien, Darcy est en bonne fortune ce soir. L'exclamation de Claude fit sursauter Marianne. Qui? Demanda-t-elle avec indifférence, sans quitter Brigitte des yeux. Jacques Darcy, ce garçon aux yeux en amande, qui vient de passer devant nous avec la jeune fille en vert. Marianne tressaillit. Tu le fréquentes? Un peu, assez vaguement. C'est un ami de Jean-Louis. Il a pris une culotte terrible au baccarat avant le gala, m'a dit Jean-Louis tout à l'heure. Pas un sou pour gagner Paris. Les vivres coupées jusqu'à la fin de la saison, car ce n'est pas sa première culotte. Il danse sans doute pour oublier comment il paiera sa prochaine note d'hôtel. Il se fera prêter de l'argent par des amis. Pas sûr, il a déjà tapé tous les copains, Jean-Louis en tête. Leur bonne volonté n'est pas inépuisable. Présente-moi, veux-tu ? Coupa Marianne. Je croyais que tu ne voulais plus danser. J'ai changé d'avis, c'est permis, n'est-ce pas ? Jeta la jeune fille avec humeur. Et aussitôt, regrettant sa nervosité vis-à-vis de Claude qui n'en pouvait plus, elle ajouta plus doucement « Il joue peut-être mal au baccarat, mais il danse fort bien. Et si tu veux tout savoir, cela m'amuserait de voir de près un joueur malheureux qui prend si peu au sérieux sa lamentable situation. » Le jeune homme aimait beaucoup sa cousine et il était heureux de pouvoir lui faire plaisir. C'est donc avec empressement qu'il se leva en déclarant « Je vais faire un tour au bar, c'est certainement là que je trouverai Jacques entre deux danses et je te le ramène. » Quelques instants après, Jacques Darcy s'inclinait devant Marianne qui l'entraîna sur la piste. Tout de suite, la jeune fille attaqua, avant que la danse ne les entraîne vers la table de Brigitte, toujours assise à la même place. « Ce n'est pas pour danser que j'ai demandé à Claude de vous présenter à moi. Il faut que je vous parle. Allons dans les jardins, voulez-vous ? » ?»« Je suis à vos ordres, mademoiselle, » répondit Darcy courtoisement. Il faisait doux dans les jardins surplombant la mer et l'air semblait une caresse fraîche au sortir de la salle de danse. Mais Marianne n'avait cure du paysage ni de l'ambiance. Une idée lui était venue tout à l'heure dont elle poursuivait l'exécution. « Une question tout d'abord, » dit-elle lorsque le jeune homme se fut assis à ses côtés dans une allée un peu écartée. « Connaissez-vous la jeune femme avec qui vous avez dansé un tango tout à l'heure ?»« Pas du tout. Je sais seulement qu'elle habite au même étage que moi au Negresco. Nous nous saluons au passage et là se bornent nos relations. En la voyant ce soir au gala, je ne pouvais faire autrement que l'inviter au moins une fois. »« Elle n'est pas mariée ?» Marianne, à l'instant même, venait d'avoir un doute. Brigitte mariée, tout son plan s'effondrait et rien ne lui disait que son amie d'autrefois était restée libre. Mais la réponse fut rassurante. Je ne le crois pas. Plusieurs fois, j'ai entendu la femme de chambre l'appeler mademoiselle et j'ai l'impression qu'elle est seule à l'hôtel. Mais vous semblez lui porter beaucoup d'intérêt. Puis-je vous demander, moi aussi, si vous la connaissez ? Vous comprendrez tout à l'heure. » Marianne, éludant la question, y répondait par une autre. « Vous n'avez plus un sou, n'est-ce pas ?» Jacques Darcy fit une grimace que la jeune fille devina dans l'ombre plus qu'elle ne la vit. « Claude vous a dit... » Le ton voulait être désinvolte, mais Marianne, aux aguets, percevait une réelle inquiétude. « Oh, je ne fais pas mystère de ma déveine persistante, » poursuivit Jacques, « mais vraiment, cela tombe mal. Et je fais l'hurluberlu ce soir pour reculer l'instant où il faudra bien que je regarde le problème en face. Je ne sais plus à quelle porte frapper. » « À la mienne, » jeta Marianne résolument. « Vous, vous me prêteriez de l'argent? Vous, qui me connaissez depuis quelques instants ?»« Il ne s'agit pas d'un prêt, mais d'un marché. À vous de l'accepter ou non. » Et comme Darcy faisait un geste de surprise, la jeune fille s'expliqua. « Rassurez-vous, je n'entends rien vous demander qui engage votre vie ou votre honneur. Je prends en charge vos notes d'hôtel tout le temps que cela sera nécessaire et je vous donnerai chaque semaine une somme que nous fixerons tout à l'heure et dont vous disposerez à votre guise à la salle des jeux si vous le jugez bon. » « Et en échange ? » demanda-t-il. « En échange, c'est difficile à dire, » murmura Marianne comme pour elle seule. « En échange, il faut vous faire aimer de cette jeune fille dont je vous ai parlé tout à l'heure. »« Moi, mais je ne la connais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. » »« Ce gars-là est le moyen idéal pour faire plus ample connaissance. Et après cette première prise de contact, » vous pourrez trouver maintes occasions de rencontre dans une ville comme celle-ci. Il est fort probable que cette jeune fille ne pense nullement à moi et que vous me donnez là une tâche qui n'a rien de désagréable, coupa Marianne. Brigitte est une jolie fille et je sais, peu vous importe comment, que vous ne lui êtes pas indifférent. Je ne vous demande qu'une chose, vous faire aimer d'elle. Et le jour où vous la sentirez prête à tomber dans vos bras, vous me le ferez savoir. Votre rôle sera terminé. Vous n'aurez qu'à quitter la ville, puisqu'aussi bien, vous devriez partir de toute façon. Et votre vanité d'homme ne souffrira en rien, puisque c'est vous qui prendrez l'initiative de la rupture. Vous acceptez ? Il y eut un court silence. Jacques balançait s'il devait ou non se prêter à ce jeu. D'un côté, la chasse à l'argent, chasse qu'il savait d'avance vouer à l'insuccès. Tout au plus pourrait-il réunir l'argent nécessaire au voyage de retour à Paris, et ce serait là-bas la grande scène avec ses oncles qui étaient là de lui faire constamment des avances. De l'autre, la fin de la saison assurait largement, moyennant quoi ? Un flirt, sans plus. C'est tout ce que demandait Marianne Varachan. Et puis, elle était jolie, cette Brigitte. L'aventure pouvait être amusante, surtout si la jeune fille avait déjà un penchant pour lui. Évidemment, elle avait eu l'air de beaucoup goûter ce tango tout à l'heure. « Alors ?» demanda la voix impatiente de Marianne. « C'est oui, » se décida le jeune homme, « mais rien ne dit que je réussirai. » « Je sais, moi, que vous réussirez. » « Je connais Brigitte. Bien entendu, je vous demande le secret le plus absolu, aussi bien vis-à-vis de Claude que vis-à-vis des autres. J'habite au Carlton et je prolongerai mon séjour ici autant que le vôtre. Le nom de Varachan doit vous suffire pour être certain que je tiendrai mes engagements. Brigitte, plus que quiconque, doit ignorer ma présence. » « Maintenant, rentrons, vous resterez quelques instants à notre table pour que je vous désigne celle de Brigitte. »« Je sais parfaitement de qui vous voulez parler. Je n'ai dansé de tango qu'avec elle. »« Je veux être sûre qu'il n'y a pas d'équivoque possible. » Très calme, très maîtresse d'elle-même, Marianne signa un chèque avant de se lever et le tendit à Jacques en disant « Vous m'enverrez votre note d'hôtel au Carlton et je la ferai régler en espèces immédiatement. Vous êtes joueur, je suis prudente. Ceci vous permettra de tenir votre rang auprès de Brigitte. » L'espace d'une seconde, Jacques hésita avant de prendre le chèque et brusquement, il le fit disparaître dans sa poche en disant « Merci, mademoiselle, vous pouvez compter sur moi. » Et quelques instants après, Jacques Darcy s'inclinait devant Brigitte qui le suivait avec une joie visible. Dès lors, les deux jeunes gens ne dansèrent qu'ensemble et lorsque Marianne quitta le casino, tard dans la nuit, Jacques était installé à la table de Brigitte. Je ne sais vraiment pas comment Darcy a rétabli ses finances, disait Claude, mais il est encore là. Je viens de le rencontrer au tennis. Il n'a pas l'air du monsieur à sec. Marianne réprima un sourire. Inconsciemment, son cousin entrait dans le complot. Fréquentant la même bande que Jacques, il allait être pour la jeune fille un agent précieux. Par lui, elle vérifierait les progrès du flirt imposé à Darcy, puisque, sous peine d'être reconnue par Brigitte, elle ne pouvait guère se montrer que dans les réunions nombreuses où la foule serait à même de la masquer. « Il joue aussi bien au tennis qu'il est bon danseur. » Oui, il avait d'ailleurs aujourd'hui une partenaire de classe, une nouvelle conquête à ce qu'on dit. Il ne se quitte pas. Jolie ? Pas mal, une grande blonde très distinguée qu'il appelle Brigitte. Darcy change de milieu car jusqu'à présent, il faisait surtout ses délices des mannequins ou des théâtreuses excentriques. L'amour, mon vieux Claude. Le jeune homme eut un rire. Darcy amoureux, vraiment, ça m'étonnerait, dit-il. Mais elle semble avoir le grand béguin. Si tu avais vu la façon dont elle a pris soin de lui après la partie, le forçant à se couvrir, lui interdisant une boisson trop froide. Toute la bande riait sous cape sur le cours. D'ailleurs, ils sont partis tout de suite, seuls tous les deux, bien entendu. Marianne sentait son cœur se dilater de joie en entendant tout cela. Darcy jouait le jeu honnêtement comme il l'avait promis et Brigitte, elle, s'y laissait prendre. Son amie d'enfance ne s'était pas trompée au feu de son regard l'autre soir. Jacques Darcy lui avait plu dès la première danse. Elle avait été déçue qu'il ne revînt pas tout de suite et lorsqu'enfin il avait invité à nouveau, une joie l'avait envahie, une joie que rien ne devait plus ternir cette nuit-là, puisque Jacques ne l'avait plus quittée. « Nous sommes voisins au Negresco », avait-il dit lorsque Brigitte avait manifesté l'intention de rentrer. « Vous permettez que je vous accompagne pour entrer ?»« Volontiers !» Jacques Darcy exerçait sur Brigitte une fascination dont elle se défendait mal. Pendant les 5 années qui s'étaient écoulées depuis l'accident de Valence, la jeune fille avait mené une vie misérable. Horrifiée par le mal qu'elle avait involontairement causé, navrée que Marianne n'ait rien voulu savoir de ce qui s'était passé exactement, Gérard avait fait horreur à Brigitte dès que sa fiancée s'était dressée entre eux. L'Angleterre l'avait accueillie pendant 2 ans, et puis elle avait repris sa vie errante, seule, fuyant le flirt, acceptant les hommages avec une réserve hautaine qui décourageait ceux qu'attirait sa personnalité. Se marier, Brigitte y songeait parfois, mais aucun des hommes rencontrés sur sa route ne l'avait intéressée suffisamment pour qu'elle envisage de l'associer à sa vie. Si elle avait remarqué Jacques Darcy au Negresco, elle s'était rendue compte qu'il était toujours le centre d'une bande joyeuse et bruyante que Brigitte n'avait nulle envie de fréquenter. Et voilà que ce soir de gala, il était venu à elle, ne l'avait plus quittée, demandait à la revoir. La vie allait-elle redevenir bonne ? Brigitte retrouvait des sensations oubliées. L'heure d'un rendez-vous qu'on attend avec impatience, la robe qu'on choisit pour s'entendre dire « Comme vous êtes jolie aujourd'hui », la main qu'on abandonne au baiser un peu trop long, les promenades à deux, le soir, dans la pinède, les silences même. 3 semaines avaient passé depuis le gala. Brigitte et Jacques ne se quittaient pour ainsi dire pas. Tennis, bain, apéritif, repas, danse, tout était prétexte à rencontre. « Je crains de vous accaparer un peu, dit-il ce soir-là. Vos amis vont se plaindre. » « Je n'ai pas d'amis et pas de compte à rendre à personne, répondit Brigitte. Ma liberté est mon bien le plus précieux, j'en fais don à ma guise. Je suis comblée d'en être pour l'instant l'heureux bénéficiaire. Me permettez-vous de souhaiter que cela dure longtemps, très longtemps ?»« N'engagez pas l'avenir, dit la jeune fille d'une voix très basse. Le présent ne vous suffit-il pas ?» Je me contente de ce que vous voulez bien me donner, votre présence, votre voix. Mais j'ai peur de perdre tout cela trop vite. Je ne le crois pas. Jacques leva la tête, ébloui. Il y avait tant de promesses dans ces mots, et la bouche qui les avait prononcées se tendait vers lui. Il prit les lèvres offertes.